Aïe, à l'arrache, homicide. Mixé par Blasta. C'est du rap indépendant, négro. C'est du rap indépendant dans ton casque. Dans ton casque. L'Asturiano ZEST, le poteau d'Ablast. À l'arrache, homicide mixé par Blasta. Y'a pas de faux dans nos équipes, on veut pas de ça. Rap indépendant dans ton casque. Dans ton casque. L'Asturiano ZEST, le poteau d'Ablast. À l'arrache, homicide mixé par Blasta. On kick chacun à 16 et basta. On n'est pas compté, on n'a pas de part à la SACEM. Catalogué, mise à l'écart comme Abdelkacem. Je veux me casser, je crois que la fac veut plus de moi sur sa chaise. Mais je persiste, je me vois pas dans deux ans passer les KSS. 4 balais au pied, un boulet. J'avance plus un cul, cru même si mon fut ne flirte pas avec les trous et l'amour. Trop de fois au nez nous a fermé la porte. Désolé miss, si aujourd'hui on pèse tous comme des porcs. Dorénavant ça dort, sans faire de rêve. Cette époque est révolue comme celle du règne de Federer. Zaguette, Laga et Malboro viennent empêler mes 16. Certains dans le rap se voient sur le trône, moi je suis bien sur ma chaise. Y'a un malaise, trop de fois MC se disent balèze. Vini à l'aise sur le beat comme Cliffhanger sur une falaise. Je fais ça pour les refrais, tant mieux si tu kiffes ma zik. Nique les jaloux, big up les jeunes qui soutiennent comme Nasik. C'est du rap indépendant dans ton casque. Dans ton casque. L'Asturiano ZEST, le poteau d'Ablast. À l'arrache, homicide mixé par Blasta. Y'a pas de faux dans nos équipes, on veut pas de ça. Rap indépendant dans ton casque. Dans ton casque. L'Asturiano ZEST, le poteau d'Ablast. À l'arrache, homicide mixé par Blasta. On kick chacun 16 et basta. Ouais ça c'est du rap indépendant. Pas de la salsa, passe la massa pour que ça soit pendant. Y'a du répondant dans nos gros flows aiguisés. Tu sais qui c'est, les 3 MC que tu as kiffé. Ça pose avec le kefia, avec une pensée pour ma soude. Tu fais bien de te méfier de mes lyrics trempés dans la soude. Baigné dans le rap et la soule, on évite les rimes faciles. Et quand le moral vacille, on a les textes qui fascinent. Vince a pris les commandes, poto vas-y démarre roule. C'est pour nos barbutards Kaboul et tous nos marboules. Ceux qui graillent Y dans la semaine avec la vodka. Ghetto de la tête à la semelle. Les casquettes made in Rodka, made in Urokma. Pour aller passer les vacances, cercueil ou veka. Pour pouvoir héberger les balances, on avance en cadence. Bébé j'suis calé sous terrain. Dablas même si tout dérave, là un gros freestyle souterrain. C'est du rap indépendant dans ton casque. Dans ton casque. L'Asturiano ZEST, le poteau d'Ablast. À l'arrache, homicide mixé par Blasta. Y'a pas de faux dans nos équipes, on veut pas de ça. Rap indépendant dans ton casque. Dans ton casque. L'Asturiano ZEST, le poteau d'Ablast. À l'arrache, homicide mixé par Blasta. On kick chacun un 16 et basta. J'pose un rap à la demande. Qui me demande, j'ai le démon, mais au max j'suis trop tendre. C'est du rap indépendant, j'ai pas un de ses penchants. D'honneur de fesses sans se penchant, non. J'préfère comme d'Ablast qu'on m'écoute qu'aux chiottes. Que voir que mon blast tourne comme une salope. Hey. J'suis pas de ceux qui disent avoir sa place dans les bacs. Moi j'débarque et des balles à chaque phase. Je ne joue pas taulier, mais trop de MC. Faut que s'tortiller devant la part du MC. Demande à Vince, lui-même sait que notre rap frappe à ta porte dès le matin comme l'huissier. En aucun cas, j'me dis roi comme lui 16. Mais le mic scène devant mon flow et son 16. Nique le commercial et ses 16. Voilà du pur indépendant pour vous, sœurs et frères. C'est du rap indépendant dans ton casque. Dans ton casque. L'Asturiano ZEST. EST, le poteau d'Ablast. À l'arrache, homicide mixé par Blasta. Y'a pas de faux dans nos équipes, on veut pas de ça. Rap indépendant dans ton casque. Dans ton casque. L'Asturiano ZEST, le poteau d'Ablast. À l'arrache, homicide mixé par Blasta. On kick chacun 16 et basta.